êtes approché de l'épagnole, général. Oui, et je l'ai saisi par le cou et je lui ai fait prendre le même chemin que mon cigare. Mais vous êtes un monstre, général. Mais un monstre aimable. Oh, tenez, je vais vous embrasser sur le front, comme doit le faire une bru respectueuse. Car il se peut que je devienne bientôt votre bru, mon cher général. Eh oui, me voilà, Judas. Avoue, Gabriel, que tu ne t'attendais pas à ce que je te rende visite. Hein, canaille? Tu trembles, Gania. Tu es prêt à t'agenouiller, à baiser les bottes de parfaine Rogojine, deux fois millionnaire. Tu espères obtenir ton morceau du sucre. Eh ben, tu ne l'auras pas. Je tournais machinalement la tête vers la porte, maintenant grande ouverte, du salon. Parfaine Rogojine, en dépit de sa grosse voix et de ses gestes désordonnés, ne semblait pas avoir bu. Lebedev, lui, au contraire, était ivre. Derrière eux, je vis une demi-douzaine d'individus éméchés, débraillés, et visiblement prêts au premier signe de Parfen Rogojine à corriger sévèrement Gabriel Ardalionitch. Parfen Rogojine avança jusqu'au milieu du salon et répéta. « Salut, canaille de Gagna. Je t'ai cherché partout, je ne t'ai trouvé nulle part. Force m'a donc été de venir jusque chez toi. » Ce disant, il aperçut soudain Nastassia Philippovna, assise en face du général Ivolgin, et qu'il regardait en souriant de son petit sourire railleur. Il se troubla et pâlit. C'est donc vrai? Tu te maries? Ton mariage, c'est ma fin. Mais tu me répondras de tout. Gania, c'est-à-dire Gabriel Ardalionitch, se tenait debout, immobile, les bras ballants, tel un automate au ressort cassé. Parfen Rogojine avance encore d'un pas. Il suffoquait, ne sachant que faire. La présence de Nastassia Philippovna le privait de tout esprit de décision. Il posa soudain son regard sur moi et son visage s'éclaircit pour une minute. Comment ? Tu es là aussi, prince ? Et toujours avec ta pelisse râpée. Il faut venir chez moi, je t'habillerai, je remplirai tes poches d'argent. Ah, tu es béni du ciel, toi. Mais déjà, ses yeux s'étaient reportés sur Gabriel Ardalionitch. Ce dernier avait fini par maîtriser sa surprise et son effroi. Permettez, monsieur Rogojine, permettez. Que signifie tout cela? Que faites-vous ici avec vos acolytes qui tiennent à peine sur leurs jambes? Notre salon n'est pas un bouge. Il y a ici ma mère, ma sœur. Nous voyons bien qu'elles sont là. Malheureusement, elles sont là. Ce qui complique les choses. Et car, sans elles, tout redeviendrait simple. On te casserait les os. Un point, c'est tout. Ne peux-tu les prier de se retirer, Gabriel Ardalionitch? Mais enfin, que me voulez-vous? Et pourquoi cette invasion? Je ne vous connais pas. Tiens, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas Parfen Rogojine. C'est-à-dire, je vous ai déjà vu quelque part. Vu quelque part, mais tu ne sais pas où, ni quand. C'est cela, n'est-ce pas? Oh, canaille! Il n'y a pas 3 mois que je t'ai laissé au jeu de 100 roubles appartenant à mon père. Le vieux est mort sans avoir eu le temps de l'apprendre. Je t'ai abandonné ces 200 roubles par dégoût. Oui, je savais que tu trichais. Tu ne me reconnais toujours pas? Non. Faut-il alors que je fasse venir ton ami Ptitsin? Il était présent, il peut servir de témoin. Vous me calomniez, je n'ai pas triché. J'ai gagné cet argent grâce à ma chance. Oh, c'est possible, après tout, peu importe. Il me suffirait de tirer de ma poche quelques assignats et te les montrer pour que tu viennes les chercher à genoux, jusqu'à Vassilievski Ostrov. Voilà comment tu es, Gabriel Ardalionitch. Voilà comment est ton âme. Mais laissons cela. Je suis venu chez toi pour t'acheter. Oui, pour t'acheter tout entier. Oh, ne regarde pas avec des dames et bottes de paysans. J'ai beaucoup d'argent à présent. Je peux t'acheter toi, ta maison, et tous tes pensionnaires de malheur. Nastassia Philippovna, je vous demanderai seulement une chose. Allez-vous vraiment épouser cette fripouille, oui ou non? De grâce, ne vous fâchez pas. Rogojine avait posé cette question haletant et perdu. Et il attendait la réponse avec une sorte d'angoisse mortelle. Nastassia Philipovna jeta un coup d'œil sur Gania et sourit. Mais pas du tout, monsieur Rogojine. Pourquoi me demandez-vous cela? Non. Non. Oh, vous me rendez à la vie. Mille fois merci. On m'a cependant assuré que vous étiez fiancé à ce Gania. S'il en était ainsi, ne vous tourmentez pas. Je lui donnerai 1000 roubles et tout serait dit. Oui, il vous rendrait votre parole. N'est-ce pas, canaille? Tu agites la tête? Ah, ce n'est pas assez. Je triple la somme. Tiens, 3000 roubles. Sortez d'ici, monsieur Rogojine. Vous êtes ivre. Impatient de Rossegania, les acolytes de Rogojine se ruèrent dans le salon. Ce dernier, d'un simple froncement de sourcils, les fit battre en retraite. C'est alors que l'âme damnée de Rogojine, le tchinovnik Lebedev, lui chuchota quelque chose à l'oreille. 3000 roubles à cette canaille de Gania pour qu'il s'en aille au diable. Et 18 000 roubles pour vous, Nastassia Philipovna. Les voilà sur la table. Prenez-les et venez avec moi. 18 000 roubles, monsieur Rogojine. Je ne voulons pas plus qu'une jument de course à vos yeux. Vous êtes un pin. Ramassez votre argent et allez-vous-en. 40 000 roubles alors. 40 000. Rubis sur le... Mon Dieu, 40 000 roubles? Mais vous avez perdu la raison, votre noblesse. Mais pour cette somme, mais je vous procurerai 10 femmes. Et toutes plus belles que Nastassia Philipovna. Tais-toi, larve humaine! C'est toi qui m'as conseillé d'offrir 18 000 roubles à Nastassia Philipovna. Et c'est à cause de toi qu'elle m'a traité de pain. Va-t'en! Disparais, allez-vous! Ah, vous m'avez frappé. Vous m'avez frappé parce que, comme un père avec son fils prodigue, je cherche à vous empêcher de dilapider votre fortune. Eh bien, je m'écarte et je vous laisse faire. Offrez donc 100 000 roubles à cette femme, si vous voulez. 100 000 roubles. 100 000 roubles, Nastassia Philipovna. Vous aurez 100 000 roubles aujourd'hui même. Et je serai votre esclave. Enfin, je regarde, j'écoute et je ne comprends rien. Que signifie tout cela? Et qui êtes-vous, monsieur, qui jonglez avec des milliers de roubles comme je ne saurais le faire avec de simples copecs? Vous avez tort, général, d'appeler cet homme monsieur. C'est un rustre, le fils d'un marchand. Oui, mais a-t-il vraiment 100 000 roubles? 100 000 roubles? Sa noblesse parfaine Rogojine a 2 600 000 roubles. Alors cela change tout. L'homme qui possède une somme pareille n'appartient à aucune classe sociale. Il est au-dessus de toutes les classes. Permettez que je me présente, général Ivolgin, un vieux soldat malheureux. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski. Avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Marcel Bozufi, Parfait Rogojine, Jean-Jacques Delbeau, Lebedev, Roger Monteau, le général Ivolgine, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch et Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.